Chapitre 25e. Identification. Dutilleul arriva au commissariat aux alentours de 9h, et il eut la satisfaction de voir que Patricia Martineau était fidèle au poste. Il la salua avec sa courtoisie familière, mais il vit immédiatement qu'elle avait quelque chose à lui dire. « C'est au sujet de la photo de la fillette que vous avez fait paraître. Une dame s'est présentée. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais je lui ai dit de patienter. J'ai pensé que, même si elle n'avait pas de rendez-vous, absolument !» la rassura-t-il immédiatement. « Je vais la recevoir tout de suite. Le thé sera pour plus tard. » Patricia Martineau reprit la parole. « Vous savez, cette dame m'a paru frigorifiée, alors je pense qu'un thé serait plus que bienvenu. Très bien, je vais m'en occuper. J'espère que mon bureau n'est pas trop froid. J'ai mis le chauffage en route dès que je suis arrivé. J'ai pensé... Ah, Patricia, vous me mettez une fois de plus dans l'embarras. Sachez cependant que je vous revaudrai cela. À présent, vous pouvez la faire entrer. » Quelques minutes plus tard, Dutilleul vit arriver une femme assez grande, d'une soixantaine d'années. Elle était très correctement vêtue, même si les vêtements avaient été plus choisis pour le confort qu'ils offraient qu'autre chose. Elle était légèrement maquillée. « Vous êtes madame Verdon, Sabine Verdon. J'habite Cergy. Je suis venue vous voir. Tout d'abord, voulez-vous boire quelque chose? Je peux vous proposer un café ou un thé ?» Sabine Verdon eut alors un sourire très doux. « Un thé serait vraiment parfait. J'allais m'en servir à moi-même, avec ce temps. » Dutilleul sortit deux tasses. « Thé vert ou thé noir ?»« Je suis plutôt thé noir. » Dutilleul sortit de sachet et prépara les boissons demandées. « Voici pour vous. Merci. C'est bien la première fois de ma vie qu'un homme me prépare une tasse de thé. Il n'y a pas de dérangement. À présent, nous pourrions peut-être évoquer la raison pour laquelle vous êtes venu me voir. Eh bien, il faut vous dire que ma démarche n'est pas facile, monsieur le commissaire. J'ai longuement réfléchi avant de venir. Non que j'ai le moindre doute, ça, non, seulement, j'ai tellement peur de mal faire. » Dutilleul s'employa à rassurer sa visiteuse. « Vous pouvez toujours faire demi-tour si cela vous est trop difficile. »« Non, non, maintenant que je suis là, seulement... »« Sachez, madame, que rien de ce que vous direz ne sortira de ce bureau. Mais si vous détenez des éléments sur la photo parue dans les journaux, ceux-ci sont les bienvenus. »« Il n'y aura pas de procès-verbal ?»« Pas si vous ne le voulez pas. » Sabine Verdon sembla soudain plus à l'aise. « Alors dans ce cas, évidemment, cela change tout. C'est que la photo a ranimé tant de souvenirs. » Dutilleul sortit un agrandissement de la photo de Marie. « Celle-ci, oui. »« Vous l'avez connue ?» dit Dutilleul plein d'espoir. « Pas exactement. En revanche, j'ai bien connu ses parents. » Dutilleul remercia mentalement l'intuition qu'avait eue Patricia Martineau. « Comment pouvez-vous vous montrer si affirmative ?» Sabine Verdon sembla finalement se résoudre à parler. « Parce qu'elle est signée, cette gosse. C'est le portrait craché de son père. Elle a pris ses yeux. » Avant ça, bien sûr, il faut que je vous explique. En 1961, je suis rentré comme dactylo chez Petrolos, une compagnie hollandaise qui n'existe plus aujourd'hui. J'y suis resté 8 ans. C'était plutôt une bonne boîte. C'est là que j'ai rencontré la mère de la petite. Une Hollandaise du nom de Marieke van Gunberg, une fille quelconque, assez effacée. À l'époque, j'avais une très bonne copine du nom de Francine Cartier. Qu'est-ce qu'on a pu rire ensemble? On avait surnommé Marieke la nonne, parce que, par bien des côtés, on avait vraiment l'impression qu'elle sortait du couvent. Elle était très peureuse, et je ne crois pas qu'elle se plaisait parmi nous. Il y avait peut-être la barrière de la langue. Vous plaisantez. Elle parlait plusieurs langues à la perfection. Allemand, anglais, français, un peu d'espagnol. Elle n'avait que très peu d'accent. Le problème ne venait pas de là. Non, je crois plutôt qu'elle nous trouvait trop libres, Francine et moi, alors que pourtant... Comment était-elle physiquement? Comme je vous l'ai dit, quelconque. Grande, mince, mais rien de bien saillant. En fait, elle avait des yeux légèrement globuleux qui gâchaient un peu l'ensemble. Les cheveux étaient blonds, mais ternes. Elle ne cherchait pas à se mettre en valeur. Qu'en était-il du papa de la petite? Lui, c'était tout à fait l'inverse. Un Suédois. Le très séduisant Olaf Christiansson. Un séducteur de première. Toujours la main baladeuse. Avec lui, il valait mieux ne pas se trouver dans le passage. Vous l'aimiez bien? Pas vraiment. Personne n'ignorait dans la boîte qu'il était marié et qu'il n'avait qu'un contrat de 3 ans chez Petrolos. Marika était bien stupide de lui céder. Il n'en valait vraiment pas la peine. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est un chaud lapin, l'Olaf. Il lui fallait toutes les filles et, pour ma part, j'ai toujours détesté cela. Il essayait toujours de nous coincer dans un coin. Il ne fallait pas se retrouver seul avec lui parce qu'il n'avait pas son pareil pour glisser la main sous la jupe. Certaines aimaient sans doute cela, mais pas moi. Incontestablement, en quelques phrases, Sabine Verdon avait su capter l'attention de Dutilleul. « Vous a-t-il importuné ?»« Non, heureusement. Je n'étais pas son genre. » Mais cela ne m'empêchait pas de me montrer méfiante, car vous savez ce que l'on dit, faute de grive. Il aimait particulièrement les blondes. Ma copine Francine pourrait vous en parler. Elle a eu un mal fou à s'en défaire. Il ne cessait de la harceler. Il a même osé appeler chez elle, mais là, manque de chance, il est tombé sur son père. Monsieur Cartier, parfaitement au courant de la situation, a mis les choses au point. Il a même dû lui flanquer une sacrée frousse, car après cela, il ne s'est plus jamais approché de Francine. Pas bien courageux, le garçon. Pour cela, non. Il ne fallait pas trop compter sur lui pour défendre qui que ce soit. Il préférait se cantonner aux proies faciles. Comme Marike von Gunberg. Marike von Gunberg. Dutilleul inscrivit le nom sur un carnet après en avoir vérifié l'orthographe auprès de son interlocutrice. Merci. Vous disiez donc que Christiansson avait fini par regagner la Suède. Vous vous souviendriez-vous de la date? Absolument. Il est arrivé à Paris au printemps 1962 et en est reparti à la mi-janvier 1965. Dutilleul ne fut pas peu surpris de la fidélité de la mémoire de Sabine Verdon. Pardonnez-moi de vous poser cette question, Madame Verdon, mais comment pouvez-vous vous montrer aussi affirmative après toutes ces années? Sabine Verdon sourit. En fait, je n'ai guère de mérite. Olaf Christiansson n'est pas allé tout à fait au bout de son contrat, ce qui était presque un exploit chez Petrolos. Peut-être que son attitude vis-à-vis des femmes... Vous voulez rire? Il était loin d'être le seul. Non, il est rentré pour un motif beaucoup plus exotique. C'est cela qui m'a marqué. Petrolos avait acheté, fort cher, le droit d'exploiter plusieurs puits de pétrole en Iran. Olaf Christiansson devait s'y installer au plus vite, cette fois avec femme et enfants. Comme un tel déménagement ne s'improvise pas, Christiansson avait demandé à rentrer en Suède avant la fin de son contrat, afin de régler tous les détails. Savez-vous comment a réagi Marike von Gunberg? Je ne me rappelle pas qu'elle ait eu une réaction particulière, en tout cas pas devant moi. C'était le genre de fille à garder ses sentiments pour elle. Était-elle proche de quelqu'un? Je ne saurais vous dire. Francine la connaissait un peu mieux que moi. À mon niveau, cela ne dépassait jamais les banalités. On se croisait de temps à autre, on se saluait, mais c'était vraiment tout. Que valait-elle, professionnellement parlant? Je crois savoir qu'en arrivant en France, elle n'avait pratiquement pas d'expérience. Elle avait un peu travaillé dans la brasserie paternelle, mais celui-ci avait rapidement exigé qu'elle arrête. Cependant, elle apprenait très vite. Elle était très appliquée et sa connaissance quasi parfaite des langues était un atout indéniable. Elle était assez bien considérée malgré son effacement. Avez-vous gardé les coordonnées de votre amie, Madame Cartier, je crois? Oui, nous sommes demeurés liés malgré les années. Pourtant, vous ne lui avez pas dit que vous veniez me voir. Non, mais je pense que cela ne la dérangera pas de vous aider. Bien sûr, il faudra prendre le train. Mon ami déteste le train, mais cela lui fera un sujet de conversation. Votre ami n'a pas de distraction? C'est tout le contraire. Francine est incapable de demeurer en place. Cependant, les occasions de monter sur Paris étant rares, je pense qu'elle sautera sur celle-ci avec joie. Eh bien, si vous vouliez confier ses coordonnées à mon assistante en partant, je vous en serais très reconnaissant. Dutilleul avait enfin deux noms et quelqu'un à contacter. L'entretien avec cette Francine Cartier pouvait se révéler intéressant, mais il devait le garder pour la bonne bouche. L'histoire de Marie pouvait bien patienter encore quelques jours. Le dîner avec le docteur Michonnier et Henri Castex fut un de ces rares moments de détente parfaite et appréciée. Ils avaient convenu de se retrouver entre hommes, ce en quoi épouse et compagne respectives avaient consenti sans difficulté. Quand Jeanne Castex avait appris que Dutilleul se chargeait de raccompagner son mari, elle n'eut plus aucune réticence. Dis donc, Titi, Jeannine t'a vraiment la bonne. Si je ne te savais pas si bien en main, je pourrais presque nourrir des soupçons. Tu le pourrais sans doute, mais sois tranquille, Je n'aime guère chasser sur le territoire des autres. Mon propre paddock me suffit, si tu vois ce que je veux dire. Et même si je dois partager, j'accepte bien volontiers de faire partie du cheptel. » Castex le regarda, sincèrement surpris. « Mon cher Titi, j'ignorais que tu pouvais te montrer si direct dans ce domaine. »« Moi aussi, » répondit du tilleul avec aplomb. « Seulement, comme pour Mado, je ne suis qu'un étalon. Je m'adapte avant de devenir un vieux con. »« Tu plaisantes ?»« Même pas. » Castex se mit à rire de bon cœur. « Cette Mado, alors. Tu ne t'ennuies pas avec elle ?»« Non. Comme quoi, une bonne professionnelle ?»